بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Donc mes frères bien-aimés, qu'Allah Azza wa Jal, ou bien nous louons Allah Azza wa Jal et le remercions de nous permettre de nous rencontrer une nouvelle fois pour traiter le thème de Tawhid, de Aqidah. Nous sommes actuellement en train de citer les noms d'Allah Azza wa Jal, les noms merveilleux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous citons ces noms ainsi que ce qui en découle comme enseignement selon ce qu'Allah Azza wa Jal nous permet. Nous avons entamé très récemment de nouveaux noms d'Allah Azza wa Jal, et cette fois-ci, nous allons voir plusieurs noms plus ou moins ensemble. Et c'est des noms qui ont un sens proche et qui se complètent. Ces noms sont Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Ghafir, Al-Afou, donc le pardonneur, le grand pardonneur, l'absoluteur et le rémissif. Et c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que j'implore droiture, succès et rectitude dans ce qui va être dit. Amen. Donc, comme annoncé, nous allons entamer, inshallah azza wa jal, l'explication de environ quatre noms parmi les merveilleux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont Al-Ghafour, le pardonneur, Al-Ghaffar, le grand pardonneur, et Al-Ghafir, celui qui pardonne, Al-Afou, l'absoluteur, et Al-Tawwab, le rémissif. On commence, Inch'Allah Azza wa Jal, à notre accoutumé, par citer quelques textes religieux du Coran et de la Sunna dans lesquels ces noms ont été cités. Le premier nom, c'est Al-Ghafour, le pardonneur. Il a été cité 91 fois dans le Coran. Al-Ghaffar a été cité, quant à lui, 5 fois dans le Coran. Et Ghafir, celui qui pardonne, a été cité une seule fois dans le Coran. Quant au nom Al-Afou, il a été cité 5 fois. On le verra plus tard, Inch'Allah. Et voici quelques versets où ces noms ont été cités. Et à chaque fois, je vous cite une traduction approximative et rapprochée des sens du Coran. Alors passez-en sur vos visages et vos mains, certes Allah est très absoluteur, très pardonneur. Dans un autre passage, informe mes serviteurs que c'est moi le tout pardonneur, le très miséricordieux. Certes Allah pardonne tous les péchés, c'est lui le tout pardonneur, le très miséricordieux. J'ai donc dit, demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Celui qui pardonne les péchés accepte le repentir et est dur en châtiment. Donc, alhamdoulilah, ces noms ont été révélés dans le Coran et ils sont connus principalement pour ceux qui lisent le Coran de manière régulière. Donc, ils croisent ces noms à plusieurs reprises dans le Coran. Quant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces noms ont également été cités dans plusieurs reprises dans les du prophète alayhi wa sallam ou des enseignements. Je vais me contenter de citer un seul hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit si vous n'aviez pas des péchés qu'Allah azzawajal aurait pu pardonner ou bien aurait pardonné, Allah azzawajal aurait ramené d'autres gens qui auraient des péchés et à qui il pardonnera. Le pardon des péchés, c'est un attribut d'Allah azzawajal. Allah a comme nom le pardonneur, le grand pardonneur, celui qui pardonne. Et ceci a été cité dans le Coran. Également, dans le Coran a été cité l'acte ou bien l'attribut d'Allah Azza wa Jal, non pas le nom. Donc il a été révélé dans le Coran à plusieurs reprises qu'Allah Azza wa Jal pardonne. Il a pardonné et il pardonne. Également, dans le Coran a été cité aussi des invocations dans lesquelles les pieux serviteurs d'Allah Azza wa Jal ont demandé à Allah Azza wa Jal son pardon. Et la même chose revient dans la sunna du prophète alayhi salatu salam. Le prophète alayhi salatu salam a lui-même demandé à Allah Azza wa Jal le pardon. Il a rapporté des hadiths dans lesquels, ou bien des récits de personnes qui ont demandé d'Allah Azza wa Jal le pardon. Il a décrit Allah Azza wa Jal comme étant le pardonneur. Et il a également incité à la demande du pardon à plusieurs reprises. Donc ceci concerne les preuves au sujet de la révélation de ces noms dans le Coran, Al-Azim et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Concernant le sens de ces noms, chose que nous verrons, Inch'Allah Azza wa Jal, dans quelques instants après les avoir cités en arabe. On commence par les deux premiers noms d'Allah Azza wa Jal, les deux merveilleux noms d'Allah Azza wa Jal, les deux plus beaux noms parmi les deux noms parmi les plus beaux noms d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Le pardonneur, le grand pardonneur. Et celui qui pardonne. Ces trois noms, en arabe, c'est Al-Ghafour, Al-Ghaffar et Al-Ghafir. Ces trois noms découlent de la racine Ghafara. Ghafara, dans la langue arabe, fait référence au fait de couvrir. Cette formulation de ces noms, Ghafour, Ghafir, c'est des formulations qui font référence à l'abondance. Ça fait référence à l'abondance. Tu peux dire, un tel fait un péché, ou bien un tel est un faiseur de péché. Ça veut dire qu'il fait beaucoup de péchés. Comme nous, on dit à notre époque, un récidiviste. Allah Azza wa Jal, le fait de dire que Allah Azza wa Jal pardonne, on comprend qu'Allah Azza wa Jal pardonne. Quand on dit que c'est le pardonneur, on comprend qu'il pardonne énormément, beaucoup. Quand tu dis le grand pardonneur, là tu comprends aussi encore plus, un sens encore plus profond et plus grand et plus répétitif. Donc ces deux noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour et Al-Ghaffar, principalement le pardonneur et le grand pardonneur, découlent de leur sens qu'Allah Azza wa Jal pardonne, ou bien découlent de leur sens la multitude de pardons d'Allah et aussi l'aspect, ou bien le fait que le pardon d'Allah englobe tous les péchés. Allah Azza wa Jal pardonne beaucoup. Allah Azza wa Jal pardonne les grands péchés. Allah Azza wa Jal pardonne à beaucoup de gens. Donc, le fait de dire Al-Ghafour et Al-Ghaffar, on comprend ces sens. Tous ces sens-là. Donc Allah Azza wa Jal est grand pardonneur. Il pardonne abondamment. Ça veut dire quoi, il pardonne abondamment? Il pardonne avec grande largesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pardonne tous les péchés. Les petits, les moins petits, les grands, et même les péchés capitaux. Et même au-dessus. le shirk et la mécréance. Allah les pardonne. Bien sûr, sous les conditions. Allah Azza wa Jal donc est grand pardonneur, il pardonne tout type de péché. Allah Azza wa Jal, il pardonne les péchés qui ont été faits envers lui et il pardonne aussi les péchés qui ont été faits envers ses serviteurs. Allah Azza wa Jal pardonne beaucoup les grands péchés et pardonne à beaucoup de gens. Et ça, c'est très important. Des fois, ou très souvent, on peut avoir le ressenti, l'impression, la pensée que Allah Azza wa Jal pardonne aux pieux serviteurs d'Allah. Allah pardonne aux prophètes et aux messagers. Allah pardonne aux véridiques. Allah pardonne aux martyrs. Allah pardonne à ses alliés, les rapprochés de lui, les bienfaiteurs. Mais nous, les gens du commun, matin, midi, soir, on fait et on refait. On fait un péché, on demande pardon et on refait, on ne demande pas pardon et on refait un autre, et un autre, et un autre. On voit qu'on fait un péché, mais on va vers le péché et on le fait. Ce n'est pas pour nous. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, et très souvent ça revient, moi ça ne sert plus à rien. Il y a des gens qui ont arrêté le fait de se mettre sur le droit chemin parce qu'ils ont fait des choses. Il dit, voilà, moi je fais telle et telle chose, je laisse pousser la barbe. Ça ne sert à rien. Moi je fais telle et telle chose et je vais à la mosquée prier avec des gens purs comme les gens un tel et un tel. Non, ça ne sert à rien, j'arrête. Une femme me dit, comment? Moi je mets le hijab, moi je me voile, alors qu'au fait, quand je suis à la maison, quand je suis dehors, quand je suis avec des gens, je fais telle chose et telle chose et telle chose. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas pour moi, je suis destiné à l'enfer et salam, c'est comme ça ma vie. Ça, c'est une pensée erronée, fausse. Ça, c'est une pensée qui découle de le manque de connaissance et de compréhension des noms d'Allah et de ses attributs. Allah Azza wa Jal pardonne à toute personne, même toi. Toi, musulman, toi, je suis le premier à rentrer dans ce toi, qui est une simple personne, une modeste personne, qui peut-être ne jeûne pas souvent, qui peut-être ne fait pas qiyam al-layl, qui peut-être des fois fait des choses ou souvent fait des choses. Oui, tu es concerné par ce pardon d'Allah. Car si Allah Azza wa Jal n'aurait accordé son pardon qu'à les hautes personnes dans la religion, dans la religiosité, on serait tous perdants. On aurait tous perdu totalement. Qui parmi nous peut prétendre à être un prophète et messager? On n'en parle même pas. Qui parmi nous peut prétendre à être un véridique, un martyr, un pieux serviteur d'Allah, un allié d'Allah? Qui peut le prétendre? Ça veut dire que si on n'est pas, on ne fait pas partie de ces personnes, ça veut dire qu'Allah ne nous pardonnera pas. Non, au contraire. Allah Azza wa Jalla est grand pardonneur, très pardonneur, abondamment pardonneur, et ça englobe toute personne, même les personnes qui sont en plein péché, même les personnes qui sont dans la mécréance. Les personnes qui sont en mécréance, s'ils reviennent vers Allah, Allah leur pardonne. N'avez-vous pas vu que Allah Azza wa Jalla a pardonné à celui qui a commis 100 meurtres, un seul meurtre, auprès d'Allah Azza wa Jalla est une abomination, un seul meurtre. Certains compagnons ont dit que si Yom Qiyamah, tu rencontres Allah Azza wa Jalla sans avoir un sang sur tes mains, Alhamdulillah, dis que Inch'Allah, ça va. Mais si tes mains sont tachées de sang, rien ne va pour toi. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit que si la terre tout entière ou le monde tout entier venait à être anéanti, ceci aurait été moins grave auprès d'Allah que de faire couler un sang illicite. Malgré la gravité et l'aspect abominable du meurtre, Allah Azza wa Jalla, pour cette personne qui fait partie des gens, des enfants d'Israël, a commis 100 meurtres. Et le 100e meurtre, c'est qui? C'était un dévot. Une personne qui se consacrait à l'adoration d'Allah, matin, midi, soir. Il a fait une erreur, l'autre il ne l'a pas lâché. Il a clôturé son 100e meurtre. Mais malgré cela, Allah Azzawajal a pardonné à cette personne. Il a mis dans son cœur la volonté, l'intention sincère et véridique de se repentir. Il a fait l'effort pour. Et Allah lui a pardonné. D'abord, si vous voyez bien, c'est un parmi les péchés capitaux, le meurtre. Ce péché a été répété 100 fois. En plus, c'est un péché qui concerne les droits des gens. À la base, les péchés, on les différencie entre deux grandes familles. Les péchés entre toi et ton Seigneur, et les péchés entre toi et les serviteurs d'Allah. Les péchés entre toi et ton Seigneur, tu peux espérer le grand pardonneur, le très miséricordieux. Mais les péchés entre toi et une autre personne, tu le voles, tu parles de lui, tu médites sur lui, tu colportes des mensonges à son sujet, tu l'insultes, tout ce que tu fais. Yom Qiyamah, il viendra devant toi. Il demandera d'établir les comptes. Tu m'as fait comme ça, je prends comme ça. Tu m'as fait comme ça, je te prends. La moindre des choses. Et dites-vous bien que ça concerne tout le monde. Même ceux pour qui tu fais des excès, même pour qui tu es injuste, même pour qui tu fais des péchés. Tes parents, ton épouse, tes enfants, un cher, si tu es un cher que tu suis, que tu aimes et que pour qui tu peux faire des dépassements. Toutes ces personnes-ci, si tu fais comme ça avec eux, il est à craindre qu'ils viendront au Yom Qiyamah pour demander leurs droits. Donc vous voyez que la gravité. Mais malgré cela, Allah Azzawajal pardonne ses péchés. Encore une fois, bien sûr, ces personnes qui ont subi des injustices ne seront pas lésées. Ne vous inquiétez pas. Allah est juste, Allah est bon. Il est bon envers celui à qui il pardonne. Et bien sûr, il sera bon et gracieux et bienfaiteur envers celui qui a subi l'injustice. Allah prendra à sa charge comment compenser cette personne. Mais celui qui a fait ses péchés, Allah Azzawajal lui accordera son pardon. Donc cette personne n'était pas parmi les pieux serviteurs et alliés d'Allah connus à son époque. Mais il a été touché par le pardon d'Allah. Également, parmi les exemples, il y a cette femme, parmi les enfants d'Israël, qui était une prostituée. Qui dit prostituée, dit un péché capital, zina, la fornication. Et répété, c'était son travail. Cette femme, elle a fait quoi? Elle a abreuvé un chien qui avait soif. Allah Azza wa Jal a reconnu son acte et lui a accordé son pardon. De quoi? De péchés capitaux répétés plusieurs fois et plusieurs fois et plusieurs fois. Un autre exemple, au temps du prophète alayhi salatu salam, un compagnon a commis la fornication. Il est parti repentant auprès du prophète alayhi salatu salam et a demandé l'accomplissement de la sentence sur lui. On accomplit la sentence sur lui jusqu'à la mort. Ça veut dire qu'il était marié et il a fait l'adultère. Après cela, des personnes ont dit une mauvaise chose sur lui. Ils ont dit « Yurzik Allah » ou une chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement. Le prophète alayhi salatu salam a dit aux compagnons: cette personne s'est repentie auprès d'Allah d'un repentir. S'il aurait été partagé sur les gens de Médine, il leur aurait suffi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce repentir-là de cette personne qui a fait cette abominable action, l'adultère. Cette personne s'est repentie d'un repentir. S'il aurait été partagé sur tous les gens de Médine, tous auraient pu rentrer au paradis. Ajib. De même, une femme au temps du prophète a fait la même chose, la même erreur. Elle est partie repentante auprès du prophète et a demandé la sentence. Elle fut appliquée sur elle. Là aussi, une personne a dit une mauvaise parole, une parole déplacée concernant cette dame, cette femme parmi les compagnons. Le prophète a dit: cette femme s'est repentie auprès d'Allah d'un repentir. S'il aurait été partagé sur 70 personnes, ça leur aurait suffi. Ça veut dire qu'avec le seul repentir de cette femme, 70 personnes auraient pu rentrer au paradis, quel qu'aurait été leur péché. Ajib. Allah lui a pardonné. C'est qui ? Certes, elle a ses mérites, c'est une femme parmi les compagnons. Il ne faut pas oublier les bonnes actions, les grands mérites qu'elle a pu avoir. Mais alors que le prophète Aïssa-Tsem était vivant sur terre et qui faisait les prêches et les rappels, alors que l'ange Gabriel descendait du ciel sur la terre pour transmettre la révélation, elle a fait ce qu'elle a fait. C'est grave. Mais malgré cette gravité, Allah Azzawajal l'a englobée de par sa miséricorde. Il l'a couverte de sa miséricorde. Il lui a pardonné. Et parmi les exemples aussi, il y a des exemples autres. Vous connaissez l'histoire de ceux des tranchées. Comment on appelle Boroj en français ? Les tranchées, non ? Solat le Boroj. C'est les tranchées. Dans Solat al-Buruj, les constellations, il y a l'histoire d'un roi avec son armée qui était mécréant et qui avait sous leur souveraineté un peuple de croyants. Ils ont voulu les faire sortir de leur religion. Ils n'ont pas voulu, alors ils ont creusé des tranchées. Ils ont creusé des trous au sol et ils ont allumé un feu ardent, un feu immense. Ils ont dit aux gens, c'est simple, tu renies ta religion ou on te jette dans le feu. Toute la population y est passée. Jusqu'à ce qu'une femme qui avait un bébé, qui portait un bébé, elle a eu une petite réticence. Peut-être pour elle, peut-être pour son bébé, ou sûrement pour son bébé. Pas par crainte de ce vers quoi elle allait. Son bébé, un bébé, lui a parlé. « T'inquiète pas, maman, poursuis ton chemin. Tu es sur la vérité. » Et ça, c'est un des trois bébés qui a parlé. Et elle est partie, elle s'est jetée au feu. Dans Sourate Buruj, Allah a dit إِنَّ الَّذِينَ فَاتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyantes. Avec quoi est-ce qu'ils les ont éprouvés ? Avec le feu dans lequel ils les ont jetés vifs. إِنَّ الَّذِينَ فَاتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Ceux qui ont éprouvé les croyants et les croyantes. Et qu'ensuite ils ne se sont pas repentis, فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ Ils auront le châtiment de Jahannam. وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَلَقِ Ils auront le feu. Du feu. Les savants ont dit, subhanallah, ils ont torturé et fait souffrir ses serviteurs qui croyaient en lui, qui l'adoraient, et lui, il leur exposa le repentir. Ajib. Ça prouve qu'Allah Azza wa Jal est grand pardonneur, très pardonneur. Pour avoir juste un aperçu de grandeur, voyons-nous comment on est. À quel point on pardonne et à quel point on est rancunier. Vous voyez, des fois, c'est rien. Des fois, ton fils, il ne te respecte pas une fois. Des fois, un frère ou une personne fait une erreur, il a fait une erreur, classe. Tu ne l'oublies jamais. Tu le ressors toujours. Tu te rappelles un jour, tu as fait. L'époux et l'épouse. Tu as fait un jour, tu ne te rappelles pas, on était un tel ou bien on était dans ceci, dans cela. Tu as fait, et tu n'as pas fait, et tu n'as pas fait. Il n'y a pas de pardon. Notre pardon est limité. Même si on dit qu'un tel est gentil, un tel est... Non. Mais quand tu vois la grandeur d'Allah Azza wa Jal et son grand pardon, alors si vous vous rappelez ce que nous avons dit la semaine passée, celle d'avant, la gravité du péché envers Allah Azza wa Jal est incomparable avec la gravité des erreurs qu'on fait avec d'autres personnes. C'est pas le même niveau. Et malgré cela, notre Seigneur est grand pardonneur, très grand pardonneur. Et ça, c'est le sens de ces propos, que ces deux noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour et Al-Ghaffar, atteste et prouve d'un grand pardon d'Allah Azza wa Jal et d'un pardon englobant. Il est grand, il est multiple, il englobe et les petits péchés et le shirk et la mécréance et ce qu'il y a entre les deux. Allah Azza wa Jal pardonne donc abondamment, il pardonne les grands péchés, il pardonne à une grande quantité de personnes. Quelle est la différence entre Al-Ghafour et Al-Ghaffar? Al-Ghafour, il est en arabe, pour ceux qui comprennent, sur le shem fa'oul. Ghafour fa'oul. Et Al-Ghaffar, il est sur le shem fa'al. Dans la langue arabe, sans parler des noms d'Allah Azza wa Jal, dans la langue arabe, fa'al, donc Ghaffar, donne un sens plus intense que fa'oul. Donc Ghaffar, selon les règles de la langue arabe, donne un sens plus poussé, plus intense que Ghafour. Certains savants disent que Ghaffar fait allusion à la répétition. Ça veut dire qu'il pardonne, il pardonne, il pardonne, il pardonne, il pardonne, il pardonne, il pardonne. Et Ghafour fait référence à celui qui pardonne des grandes choses, des grands péchés. Voilà pourquoi il est dit que Al-Ghafour, c'est celui qui pardonne les péchés aussi grands soient-ils et abominables soient-ils. Et Al-Ghaffar est celui qui pardonne les péchés même si elles sont différentes et même si elles sont répétitives. S'ils sont différents et répétitifs. Et vous connaissez le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté une parole d'Allah subhanahu wa sallam. Une personne a fait un péché. Et est revenu repentant vers Allah et a demandé à Allah de lui pardonner. Allah Azza wa Jalla a dit à ses anges, « Vous avez vu mon serviteur ? Il sait qu'il a un Seigneur qui prend le péché et qui pardonne le péché. Je vous prends à témoin que je lui ai pardonné. » Cette personne continue sa vie et refait un péché. Il revient repentant vers Allah. « Oh Allah !» Il demande le pardon auprès d'Allah. Allah dit à ses anges, « Mon serviteur a su qu'il a un Seigneur qui prend le péché et qui pardonne le péché. Je vous prends à témoin que je lui pardonne. » Il lui pardonne. La personne continue sa vie et refait un péché. Il revient vers Allah. « Oh, mon Seigneur, j'ai fauté, pardonne-moi. » Allah Azza wa Jal, cette fois-ci, il dit quoi? Ça en fait trop, hein? Péché après péché. Péché qui? Désobéir à qui? Transgresser les lois de qui? Rappelez-vous ce que nous avons dit. Troisième fois, Allah Azza wa Jal dit à ses anges, mon serviteur a su qu'il a un Seigneur qui prend le péché et qui pardonne le péché. Je vous prends un témoin que je lui pardonne. Et qu'il fasse ce qu'il veut à partir d'aujourd'hui. Je lui pardonnerai toujours. Vous voyez l'abondance du pardon. Même le péché que tu fais et que tu refais, que tu refais, que tu refais, que tu refais, que tu refais, que tu refais, même si je reste une heure à faire ça, si tu n'as pas la ferme intention de rester sur ce péché et tu t'en fiches, si tu n'es pas dans ce cas-là, Allah te pardonnera. Allah te pardonnera. Juste fais ce qu'il faut pour qu'il te pardonne. Des fois, il y a des gens qui font des grands péchés. Ils disent, « Akhlas, moi j'ai fait ça. Moi je fume le tabac. Moi je fume autre chose. Je consomme autre chose. Moi je fais des choses. Voilà, avec certaines personnes, je fais ça et je porte la barbe. Je fais ça et je vais à la mosquée. Je vais me mettre pied à pied ou bien je vais me coller à des gens purs. Les gens de la mosquée, masha'Allah, ils lisent le Coran, ils prient et tout. Moi, je vais me mettre avec eux. ça sert à rien, ça, je mérite pas, j'ai pas salir ces personnes. Moi, je suis sale, je reste sale. Je suis destiné à l'enfer, las. Des fois, des femmes, la même chose. Voilà, moi je fais ci, moi je fais ça. Des fois, ils ont le hijab ou ils n'ont pas le hijab. Moi, je fais ci, moi je fais ça. Un jour, j'ai fait ci, un jour, j'ai fait ça. Maintenant, je mets le hijab, je mets le djilbab. Je vais à la mosquée, je prie. Ah, je vais salir l'islam, je vais salir le djilbab. C'est hypocrite de ma part. Classe, je suis voué à l'enfer, je suis voué à l'enfer. Salam alaikum. Et alors que non, c'est pas ce qu'il voulut. C'est pas le sens et la portée de ces nobles noms d'Allah Azza wa Jal, le très pardonneur, le grand pardonneur. Allah Azza wa Jal pardonne abondamment, même si les péchés reviennent et se répètent et se répètent. Il y a des conditions qu'on verra plus tard, Inch'Allah Azza wa Jal, mais ces conditions sont à la portée de tous. Sont à la portée. Et même si ces conditions n'ont pas été réunies lorsque la personne a fait le péché, même plus tard, si tu reviens repentant pour un acte que tu as commis avec connaissance de cause et avec volonté, avec fermeté, si après tu reviens, là te pardonne. Je ne sais pas si j'ai dit en français, vous voyez, un grand nombre des compagnons du prophète alayhi salam étaient quoi à une époque ? Étaient des mouchriquins. Les compagnons sont tous, une grande partie des compagnons sont des reconvertis. Une grande partie. Et parmi eux, il y a ceux qui embrassaient l'islam, alors qu'il fut un temps, ils étaient ennemis jurés de l'islam. Il y a certains parmi eux qui ont cherché à tuer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Juste, ils n'ont pas pu. Ils ont voulu le faire, ils ont comploté pour le faire. Ils ont même donné de l'argent. Ils ont même risqué par leur famille pour tuer le prophète alayhi sallam et l'islam et anéantir l'islam. Mais après, ils se sont repentis. Il n'y a, pas de péché plus grave que ça, combattre l'islam. Et malgré cela, ils se sont repentis. Ils ont demandé le pardon. Allah leur a pardonné. Amr ibn al-As, avant d'être musulman, c'était un grand ennemi du prophète alayhi sallam. C'était un chef parmi les chefs des mécréants qui combattaient l'islam et les musulmans et le prophète alayhi sallam. Lorsqu'il a voulu embrasser l'islam, il devait porter allégeance au prophète alayhi sallam. Le prophète alayhi sallam tenda sa main et lui dit « Porte allégeance ». Amr a retenu sa main. Le prophète alayhi sallam lui a dit « Pourquoi ?» Il lui a dit « je te prête allégeance à condition qu'Allah me pardonne. » Voilà sa condition, parce qu'il a tellement fait de mauvaises choses que si Allah ne me pardonne pas, ça ne sert à rien, parce que voilà, je suis voué à l'autre endroit. Le prophète alayhi sallam lui a dit « Ala ta'lam anna l'islam yajubu ma qablahu ?» Ne sais-tu pas que embrasser l'islam est une cause de par laquelle Allah azza wa jal efface les péchés précédents? Tu n'as pas besoin de demander, de citer ça comme condition. C'est inclus. C'est offert. C'est un don gracieux de ton Seigneur, subhanahu wa azza wa jal. À qui ? À une personne qui a fait, qui a fait, qui a fait. Et bien sûr qu'après, il est devenu une étoile parmi les étoiles des pieux serviteurs d'Allah, subhanahu wa azza wa jal. Un savant du nom de Al-Khattabi, un savant connu, ancien, plus ou moins ancien, a dit que Al-Ghaffar, c'est celui qui couvre les péchés de ses serviteurs. Et le sens de couvrir les péchés, cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal ne dévoile pas son cas au reste de ses serviteurs. Et qu'il ne le dévoilera pas avec la punition qui l'exposera devant les yeux des gens. Fin de parole. Donc, Allah Azza wa Jal, du fait qu'il soit Ghaffar et Ghaffour, il ne va pas dévoiler les gens dans ce bas monde en dévoilant leurs péchés, ni en dévoilant leur châtiment. Et la même chose sera le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal est Ghafour, Ghaffar, Ghafir. Cela veut dire qu'Allah Azza wa Jal couvre son serviteur. Quand on dit qu'Allah couvre le serviteur, cela veut dire quoi? Allah Azza wa Jal couvre le serviteur lorsqu'il fait le péché de manière à ce que les gens ne voient pas son péché. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous a fait d'une certaine nature qui a pour portée que on peut être attristé et affligé si les gens voient nos défauts. Voient notre awra. La awra, c'est nos défauts, nos erreurs, et ainsi de suite. De par son pardon, Allah Azza wa Jal couvre le serviteur qui fait des péchés. Lorsqu'il fait le péché. Il fait le péché, mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas, n'ont pas connaissance. Alors qu'il aurait pu le dévoiler. Mais parce qu'il est pardonneur, Ghafour, donc il le couvre et les gens ne le voient pas. Des fois, il se peut qu'Allah Azza wa Jal fasse subir un châtiment dans ce bas monde à celui qui fait des péchés. Et les gens savent que qui dit châtiment dit qu'il y a une cause de ce châtiment. Et forcément, c'est un péché. De ce fait, si Allah Azza wa Jal fait subir un châtiment à une personne, les gens pourront savoir, ah oui, un tel, il subit ça, donc sûrement il a fait quelque chose. Donc pour que pas les gens qu'Allah Azza wa Jal, à qui il veut accorder son voile et les couvrir et les cacher, pour qu'ils ne soient pas dévoilés devant les gens, Allah Azza wa Jal ne leur fait pas subir un châtiment dans ce bas monde. À une certaine époque, il fut un temps, il y avait une femme qui était pieuse, qui avait une servante. Cette servante a servi cette dame un certain temps. Ensuite, bien sûr, ensuite elle a parlé. Elle a dit, ma maîtresse, elle a dû faire quelque chose dans sa vie. Hein. Elle n'arrête pas de pleurer nuit et jour. Elle n'arrête pas de pleurer, de prier, de... Ah, c'est sûr qu'elle a fait quelque chose tellement abominable qu'elle désespère de la miséricorde d'Allah et qu'elle a besoin de faire tout ce qu'elle fait pour qu'on lui pardonne. Donc ce qu'elle a fait, c'est catastrophique. Alors que cette dame était juste une pieuse personne qui craignait Allah, qui adorait Allah, Azza wa Jal. C'est quoi la morale de l'histoire? C'est que lorsque les gens voient une personne subir des choses, ils disent, si lui subit ça, ça veut dire qu'il a fait ci. Voilà pourquoi Allah Azza wa Jal couvre les gens lorsqu'ils font le péché et couvre leur punition dans ce bas monde. De manière à soit il ne leur donne pas une punition, soit il leur donne une punition alors que les gens ne savent pas. La même chose pour le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal couvre les gens, couvre ceux qu'il veut couvrir. De manière à ce que les gens ne savent pas ou bien ne sachent pas qu'un tel a fait le péché. Vous savez bien que Yom Al-Qiyama, les gens seront en deux familles. Il y a ceux qui seront couverts par Allah, et il y a ceux qui seront dévoilés. Ceux qui seront dévoilés, c'est des gens à qui Allah Azza wa Jal dira « Un tel, fils de un tel, fils de un tel, a fait tel et tel jour, telle et telle chose, telle et telle chose. » Devant tout le monde. Ta mère, ton père, ton fils, ta fille, ta femme, ta sœur, tout le monde entendra. Et sera que un tel a fait, un tel a fait, un tel. Ce que toi tu pensais, tu avais oublié, ce que toi tu pensais que personne ne saura, ça sera dévoilé aux yeux et aux oreilles de tout le monde. Et tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Tous les enfants d'Adam et tous les djinns et les anges seront présents. Ça c'est la première famille. La seconde famille seront les gens qu'Allah Azza wa Jal, à qui Allah Azza wa Jal accordera son pardon, sa miséricorde et son voile. Parmi ceux-là, le prophète alayhi salam a dit qu'il y aura une personne, Yawm al-Qiyamah, qu'Allah Azza wa Jal appellera pour le jugement. Allah Azza wa Jal le couvrira de par son voile. Au sens qu'il n'y aura personne qui entendra, qui saura qu'est-ce qui se passe entre le Seigneur des mondes et ce serviteur. Il dira, tu te rappelles tel et tel péché que tu as fait tel et tel jour. Personne dira, Oui, mon Seigneur. Je te rappelle tel et tel autre péché que tu as fait tel et tel autre jour. Oui, mon Seigneur, je me rappelle. Je te rappelle tel péché et tel péché que tu as fait tel jour et tel jour. Oui, mon Seigneur, je me rappelle. Allah Azzawajal lui dira, je t'ai couvert dans le bas-monde. Et maintenant, je te pardonne. Et il dira à ses anges, et là, Allah Azzawajal ne l'aura jugé que sur ses petits péchés. Que les petits péchés. La personne pensera que ça y est, avant qu'Allah Azzawajal ne lui dise qu'il lui pardonne, il lui énumérera un certain nombre de péchés, que les petits. La personne dira, Akhlas, mon sort est scellé. Parce qu'il y a tellement de petits péchés, on n'a pas encore parlé des grands péchés. Allah Azza wa Jal dira alors, je t'ai couvert dans ce bas monde et aujourd'hui je te pardonne. C'est pas fini. Allah est encore meilleur que ce qu'on pense. Il dira à ses anges, transformez ses péchés en bonnes actions. On ne peut pas commenter. Il n'y a rien à dire. Cette personne, l'être humain, dira, oh mon Seigneur, j'ai d'autres péchés que je n'ai pas vus. Comment dire Tma? Avid, non? Cupide. Ah, je fais confiance à Abdallah. Cette personne, par cupidité, dit, mon Seigneur, j'ai d'autres péchés. C'est pas pour que Allah les a oubliés, pour qu'il le châtie pour ça. Non. Vu qu'Allah Azzawajal a changé ses petits péchés en hasanat, alors il a voulu que ses grands péchés, eux aussi, soient transformés en hasanat. Comme ça, il est que dans le bénéfice. Et Allah Azzawajal le fera rentrer au paradis, Inch'Allah. Donc, vous voyez, que veut dire, quel est le sens de Ghafara ? Il le couvre. Et les savants sont même partis plus loin. Donc Allah a couvert cette personne au sens que les gens n'ont pas entendu, ne savent pas. Dans la dunya, ils n'ont pas su, et le jour de la résurrection, les gens ne sauront pas. Et certains savants sont partis plus loin que cela. Ils ont dit que Ghafara, ça veut dire effacer. Allah Azza wa Jal effacera ses péchés des livres de cette personne. Vous savez, nous avons des livres dans lesquels nos actes sont retranscrits. Ces savants ont dit que lorsqu'Allah pardonne et absout les péchés de la personne, ils sont même effacés du registre. Ils sont effacés de la mémoire et du cœur du serviteur. Ils seront effacés aussi de la connaissance des anges. Comme ça, personne ne se rappellera le péché de Handel. Vous voyez, ça veut dire quoi? Grand pardonneur. Très pardonneur. Il couvre le péché, il couvre la personne, au point où même cette personne ne se rappellera pas Yom Qiyama. Elle n'aura pas honte d'Allah Azza wa Jal. Elle n'aura pas honte en rentrant au paradis. Oui, je suis rentré au paradis, mais j'ai fait ça. Non. Elle ne sera pas affligée par ses péchés. De par la grande miséricorde d'Allah et son pardon, il le fera oublier le péché. Lorsqu'il lira son livre, il n'aura pas ce péché, il n'aura pas écrit ce péché. Et même les anges qui auraient pu savoir, mais n'auraient pas d'effet, Allah Azza wa Jal, de par sa perfection dans ce qu'il fait, il fait oublier aux anges aussi ce qui s'est passé. Et qui dit cela? Forcément, Allah Azza wa Jal préservera cette personne du châtiment de l'enfer. Allah Azza wa Jal pardonne à ses serviteurs. Il ne leur pardonne que par bonté et grâce de sa part. C'est que pure bonté, pure grâce de sa part, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal n'est point affecté par le péché. il n'est point affecté par la bonne action. Il n'est point affecté par le fait de donner la mauvaise récompense. Il n'est point affecté par le fait de donner la bonne récompense. Il n'est point affecté par le fait de faire rentrer les gens au paradis. Et il n'est point affecté par le fait de châtier les gens dans l'enfer, en enfer. Rien ne le touche. Rien ne lui rajoute quoi que ce soit. Rien ne lui diminue quoi que ce soit. Rien ne l'afflige de quelque forme qui soit. Donc pourquoi pardonner ? Voyez, nous, si encore une fois, si on compare notre vécu, des fois tu pardonnes parce que c'est lourd dans ton cœur. Un tel il t'a fait, tu tiens la rancune envers lui longtemps, 1 an, 2 ans, 3 ans, après ça te saoule, c'est fatigant, tu sens un poids sur ton cœur, tu sens que tu n'es pas pur, tu sens que tu n'es pas bien. Là, je pardonne. Parce que c'était lourd. Tu pardonnes parce que tu ne veux pas être hypocrite. La personne, tu la côtoies. Tu es souvent avec elle. Donc, tu ne peux pas dire que je lui retiens ça, mais quand même, il me fait des cadeaux, je lui fais des cadeaux, il mange avec moi, on part ensemble, on vient ensemble, on vit ensemble. Khlas, je pardonne. Des fois, il y a des gens qui pardonnent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas la capacité de prendre leurs droits. Alors, ils pardonnent. Encore un exemple de notre bas monde. Vous savez qu'il y a des fois, dans certains pays, on impose la prison pour ceux qui font certaines bêtises. Mais des fois, dans certains pays, le pays n'a pas la capacité de mettre des personnes en prison parce que les prisons sont pleines, parce que ça coûte beaucoup d'argent, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Alors ils disent, on n'a pas la capacité. Alors, celui qui fait ça et ça et ça, on lui dit, attention, ne refais pas la prochaine fois, et part. Alors qu'il aurait dû, mais ils n'ont pas la capacité de lui faire subir cela. Alors il pardonne. Des fois, il y a des pressions diplomatiques. On pardonne les personnes sous des pressions diplomatiques. Parce qu'on n'a pas la capacité de... Allah Azza wa Jalla n'est pas du tout dans cela. Loin, élevé soit-il, purifié soit-il de tout cela. Allah, s'il pardonne, c'est pure bonté, pure grâce. Ça revient à sa perfection. Il aurait pu châtier celui qui a fait. Mais il lui accorde son pardon, de par sa grâce et sa miséricorde, subhanahu wa ta'ala. As'alullah azza wa jal, an yataghammadana jami'an, wa ahalina jami'an, wa dhurriyatina jami'an, wa walidina jami'an, wa kulla muslimin wa muslimah, fi kulli asrin wa an, وفي كل مكان أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا جميعا وأن يجعلنا ممن نال عظيم عفوه ومغفرته وستره أقول ما تسمعون واستغفر الله عز وجل لي ولكم وهو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم s'il y a pas de questions. Donc le frère, il dit que si jamais une personne s'est moquée d'une autre personne qui a fait un péché, et qu'il est dit que celui qui se moque d'une personne qui a fait un péché ne mourra pas jusqu'à ce qu'il fasse lui aussi le même péché. Est-ce que cette personne qui s'est moquée, est-ce qu'il est possible qu'elle se repente et qu'Allah Azza wa Jalla ne lui fasse pas subir ce péché en question ? La réponse est que oui. Allah Azza wa Jalla est tout miséricordieux, très miséricordieux et pardonneur. Il est absoluteur. Donc il absout les péchés. Donc Inch'Allah, cette personne pourra rentrer dans cela et il pourra être épargné de ce châtiment dans ce bas-monde. Wallahu a'lam. Oui, je parle de ça. Oui. Voilà. Mais c'est Allah qui décide. Quelles sont les personnes à qui Allah dévoilera les péchés le jour du jugement ? péché, et ceux qui ne seront pas dévoilés, s'ils ont fait quoi de plus ou de moins Allahu alam. Ceux à qui Allah accordera sa miséricorde, son pardon, ils ne seront pas dévoilés. Mais ceux à qui il n'accordera pas son pardon, sa miséricorde et son voile, ils seront dévoilés. Qui sont-ils exactement? Allahu alam. C'est peut-être ceux qui ne se repentent pas, ceux qui persistent sur les péchés et à qui Allah n'accorde pas son pardon. Allahu alam. Je m'excuse, j'ai pas compris la question. Celui qui craint un péché. Celui qui craint un péché. Puis à cause de son entourage, qu'il incite peut-être à rentrer dans ce péché. Mmh. Il demande si jamais cette personne rentrait dans ce péché, quel devient son sort face à ce péché. Donc peut-être ça peut être l'effet de l'entourage, peut-être de une personne qui fait un péché, ou bien qui n'aime pas faire un péché, et qu'ensuite il est entouré par des personnes qui l'incitent et qui le poussent à faire ce péché. Quel est son jugement? Cette personne aurait dû, avant de faire le péché, d'éviter ces personnes, tant que ceci est possible. Donc, de s'éloigner d'eux, les éviter. Car c'est une mauvaise compagnie. Et la mauvaise compagnie te tire vers ce sur quoi ils sont. Des fois, malheureusement, je pense peut-être que tu fais allusion à cela, cette mauvaise compagnie, tu ne peux pas t'en défaire. Des personnes qui sont avec qui tu es nécessairement avec eux. Des membres de la famille, tu es en voyage, tu habites dans un lieu où tu es entouré de ces personnes, dans ton travail, dans tes études ou autre chose. Donc tu es entouré par ces personnes et tu ne peux pas t'en défaire. Si tel est le cas, c'est à toi de te préserver des flammes de l'enfer. Parce que si tu les suis, il se peut que vous allez en bloc dans les flammes de l'enfer. Mais attention, il se peut que vous rentriez en bloc dans les flammes de l'enfer. Tout comme il se peut que ces personnes ou certains parmi eux se repentent. Et eux, au dernier moment, ils se retirent. Et que vous allez continuer sur le mauvais chemin. Donc voilà pourquoi ne cherche pas après les autres. Cherche après ton Seigneur et ton Créateur, le Tout, subhanahu wa ta'ala. Celui qui t'a dit ne fais pas ce péché auquel tu fais allusion ou d'autres péchés. T'a dit ne le fais pas. Je te vois, je t'entends, je sais, mes anges sont avec toi, ils écrivent la moindre des choses que tu fais et sache que si tu fais, tu risques ma colère. Allah, voilà. Et une fois le péché fait, s'il est fait, tout n'est pas scellé. Parce que Allah est pardonneur. Si on a trébuché et on a fait la chose, il faut savoir que notre Seigneur est pardonneur, est grand pardonneur. Il faut revenir vers lui. La finalité, le but principal, ce n'est pas de venir sans péché, Yom Kiyama. On ne pourra pas. Je ne connais que deux ou trois personnes qui le feront. Isa alayhi salam, Yahya, fils de Zakaria alayhi salam, et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hormis eux, je ne connais pas d'autres personnes qui viendront sans le moindre péché. Alors que dire de non? Donc de ce fait, si on ne peut pas éviter les péchés, où on faiblit au point de faire des péchés, c'est pas la fin, notre sort n'est pas scellé. Il y a encore une possibilité de se racheter, de se rattraper, en se repentant et en faisant les causes par lesquelles Allah Azzawajal pourra faire qu'on soit la personne dont on a parlé tout à l'heure, si tu te rappelles. La personne qu'Allah Azzawajal jugera, un jugement léger et qui sera couvert. On ne sait pas qui est cette personne. Ça peut être toi, ça peut être toi, ça peut être elle, et j'espère que ce sera moi. Ça peut être n'importe qui. Donc, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais il faut faire ce qu'il faut. Et Allah est plus sage et plus savant. On s'arrête là, les frères. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.